Bonjour, nous voilà, cette nouvelle émission de Comme une oreille, décembre 2016, émission de musique libre de droit de diffusion avec Jean-Baptiste et Florian, avec la thématique du mois. À boire et à manger. Là, on était autour du feu à l'instant. Ouais, avec le groupe qui s'appelle Kima, un groupe qui vient de Tours, qui est dénommé musique de électro-hip-hop. Politique électro-rap même, et ils sont actifs depuis le début des années 2000. Ils ont sorti une dizaine d'albums, et là on vient d'entendre la chanson, comme tu disais, Autour du feu, de l'album Mauvais Chromosome. Et ils ont entre autres de diffuser leur musique librement parce qu'ils voyaient un côté politique sur les idées, là, même si on n'entendait que du crépitement de feu. C'est cet album-là et un autre que j'avais dans ma valise. Était distribué gratuitement. Et voilà, le groupe est composé de Sesco au chant et à la composition, DJ Fish au tourne-disque et Cisco à la basse live. Et voilà, ils ont une discographie que vous pouvez trouver assez facilement sur internet ou dans les distros de certains concerts. Et donc là, on est bien, là on est autour du feu. Donc on va entendre que des morceaux autour de la nourriture et de la boisson. C'est plutôt de saison. À la fin du mois dernier, il y avait Thanksgiving aux États-Unis. On arrive aux périodes de Noël et tout ça. Et donc ça s'appelle à boire et à manger. Tout le monde n'est pas forcément obligé de tout apprécier, mais il y a de quoi être rassasié quand même. Là, on va commencer par un morceau qui s'appelle Do the Food, donc qui est bien dans le thème, par un groupe qui s'appelle The Nourishment, dont j'ai trouvé assez peu d'informations dessus, si ce n'est qu'il est issu d'une compile anniversaire d'un Netlabel. Netlabel, c'est donc un label sur Internet qui était spécialisé dans les musiques libres et très actif dans les années 2000, qui s'appelle Comfort Stand, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'était une compile anniversaire de 2004, The Nourishment, qui est vegan. Ça semble être important pour lui, puisque c'est ce qui a marqué en premier sur son site. Et on écoute Do the Food, un morceau très rigolo. Well, I tried to do the twist, but I got tangled up. It takes two to tango with a big fur cop. There's a brand new dance that's sweeping the kitchen. I can do the locomotion, but where's the beef? The bony bologna just gets stuck in my teeth. Perhaps some mashed potatoes, great. But why need we discriminate? Do the food, do the food, do the food. Do the food, do the food. Do the food, do the food, do the food. Do the food, do the food. The ladies in the house say, I wish I had never been born. I wish I had never been born. All the fellas in the house say, somebody please stop this never-ending river of pain. Somebody please stop this never-ending river of pain. Get jiggy with it if you will. Supersize the slumber if you want. Do you want pies with that? Thanks, fly through. Do your heart to legalize. Voilà, c'était Do the Food par The Nourishment et on enchaîne avec un autre morceau d'un autre groupe du même label, Comfort Stand, qui s'appelle 41, c'est un DJ en fait. Le morceau s'appelle The Mashed Potatoes, It's a Lettuce, Mashed Potatoes, donc les pommes de terre à l'eau. Hein, c'est des pommes de terre vapeur, je crois, qui font partie des mets traditionnels de Thanksgiving. If that made your feet start to dance, then keep them loose, because here's The Mashed Potatoes. Mashed potato time. Mashed potato. Oh, mashed potato. Yeah. Wait a minute. Donc c'était Mashed Potatoes Part 41. Mashed Potatoes, en fait, c'est la purée de pommes de terre, puisque Thanksgiving, ça fait partie du menu type avec la dinde. Voilà, dinde, on a trouvé de la sauce ou gelée de canne d'erge, des haricots verts en dôme et différentes tartes, pommes, noix de pécan, patates douces aussi. Voilà. Et après, je pense qu'il peut y avoir d'autres alternatives, mais en tout cas, c'est le repas de Thanksgiving qui est qui est fait aux États-Unis. Traditionnellement, maintenant, le quatrième jeudi de novembre. On reviendra sur quelques anecdotes parce qu'il a bien évolué et tourné en mode aussi commercial. Mais nous, on vous propose une alternative avec le gâteau au yaourt. Voilà, avec la recette. Tout le monde est prêt, on a son pot de yaourt. Allez, c'est parti. Gâteau au yaourt, le gâteau au yaourt, le gâteau au yaourt, le gâteau au yaourt, le gâteau au yaourt, le gâteau au yaourt, le gâteau au yaourt, le gâteau au yaourt, le gâteau au yaourt, le gâteau au yaourt, la recette du gâteau au yaourt par Benjamin Brett, qui est un musicien très prolifère, parisien, qui publie des disques, je sais pas combien il en a fait là, mais peut-être une cinquantaine. Donc il fait des disques à la maison. C'est sorti sur le label un peu foutraque, Los MS del Oso. Et voilà, on va continuer donc cette sélection de musique autour de la nourriture et de la boisson. Et comme d'habitude, tous les morceaux sont issus de musiques qui sont pas bloquées par le copyright, qui sont sous licence libre, qui donnent au minimum le droit d'échanger librement ces musiques, de se les faire passer, de les réécouter, de les enregistrer, voilà, tout à fait légalement. À la différence du copyright, après, même certaines licences vous permettent de remodeler ces morceaux, d'en refaire des nouvelles versions, de l'utiliser, voire pour des projets commerciaux. Voilà, c'est ça les licences libres. Là, on va écouter AWOL, A Way of Life, un morceau qui s'appelle Food. AWOL, c'est un groupe américain, un collectif de hip-hop américain du New Jersey, avec une musique qui ressemble assez au Wu-Tang Clan et qui est plutôt efficace dans le flow et dans les instrus. On écoute donc Food de AWOL. All cops listening to this album, don't give us tickets. We'll give you donuts if you don't give us a ticket. Remember I was teething, little gums bleeding, cried every evening, it was all about eating. When I became a teen, it was all about beefing. Now I'm ready for the world, trying to sink my teeth in, stacking extra cheese like my pizza on the weekend. This is how to eat to live, but not Elijah's teachings. The pig's still poison, but we didn't believe him. Made a pot full of cops with bullets as the seasoning. What's on the menu, cause it changed every season. Snitch sickles every summer, and the freezer's where we leave them. I had oodles and noodles, barbecue corn chips. You was probably eating up some silky in the porn flick. I try to keep the same balance I was born with. Everybody got grills, turkey or chicken. Stupid or scared, no work in the kitchen now. Who put you there in that perfect position now? Bullies want your food, and you ain't really beat. Have you ever wondered what the difference is? What question? I'll teach you how to go without the food. We'll be showing you how to eat the things you like. Welcome to me, rob you. You like to try a value meal? We got a special on steel, plus a 9-piece deal that comes with a coat, banana clip floats, peel off Broadway and Park Place to scope. Move wrap it up to go. Pop toast, keep the flame on low. Pop roast, got me rolling dough. With five stars like the chef on green. Cool whips, hit Big Mac machines. Tips for fiends, keep the greens in your hot pockets. Full rack of ribs, to get more to weight, watch it. Fresh, I like leg stars and I kill breasts. Get blessed like bow your head and all be fed. Digging for that wear, cut it up and blend. So sick, cook seafood fast. In the lab like I work at the Krusty Krab. T-Bone, tell him. It's just enough for MC Mash. Now, with the wonderful treasure chest full of gold and jewels, c'est un joli morceau de Noël. C'était Carnivorous Birds qu'on écoutait à l'instant avec un morceau My Favorite Food. Assez peu d'infos sur ce musicien qui est de Los Angeles et ça date du milieu des années 2000 a priori. Il a terminé son projet en 2005. Pour les gens qui ne parleraient pas anglais, c'est les oiseaux carnivores, c'est ça? Oui, avec, les oiseaux carnivores. Ma nourriture préférée. Voilà. Et il a plein de nourriture préférée et ça le rend très satisfait. On va enchaîner un groupe suisse de Genève qui s'appelle Don't Fuck With Us. Et c'est un morceau tout frais puisqu'il est sorti en 2016, c'est à Noël. Et c'est un groupe... Donc du couscous à Noël par Don't Fuck With Us. Ah, Noël. Ouais, Noël. C'est beau, Noël. La famille, le partage. Les chants, la chaleur. Ce bel esprit qui nous réunit chaque année autour de notre plat préféré. ensemble pour le partage. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Allez, du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais. Un feu de bois, boule de neige et de chili. Allez, du couscous à Noël, faut le partager. Du couscous à Noël, c'est à échanger. Ouais. Waouh, waouh, une bûche, des étoiles, des épices sur le farical, une cheminée, des paquets, dans nos chaussettes du farical. Allez. Du couscous à Noël. T'en as volonté. Du couscous à Noël. Faut pas s'en priver. Non. Parce que Noël, c'est la communion. Oui, Noël, c'est la famille. Et c'est aussi la révolution. Parce qu'après, c'est la nouvelle année. Calme-toi. Viens t'asseoir à la table. Ouais, pour manger. Tu veux de la dinde? Ah, la dinde au marron. Au marron chaud. Oh, oh, oh, oh, ballon. Oh, c'est chaud. Oh, bien chaud. Et oui, c'est ça l'esprit de Noël. C'est du partage, sans compter. Tiens, un marron chaud. Oh, c'est chaud. Oh, passe-moi le cas. Passe-moi le Noël. Boule de Noël, c'est la fête. Qui éclaire le papadôme? Un traîneau et des rennes. On chante, on mange des papadômes. Allez, du couscous à Noël, vous êtes invités. Du couscous à Noël, c'est la liberté. Bah, comme annoncé, c'était du couscous. À Noël, voilà, une manière de réfléchir de ce qu'on peut partager avec un côté ironique et comment c'est devenu commercial. Et comment on parlait de Thanksgiving au début, juste pour dans les recherches historiques qu'il y avait, c'était au début c'était vraiment quelque chose de très religieux où on avait un rapport au Dieu ou déifié pour les croyants dans les sociétés paysannes. Et progressivement, sous Lincoln pardon, sur... pendant la guerre civile américaine, voilà, il y a eu une volonté de mettre un jour de partage qui est devenu le quatrième jeudi du mois de novembre, comme on le disait. Et après, sous Roosevelt, en 1939, il y a eu une chose de contraire à la tradition, c'était la Grande Dépression économique. Donc on a mis une journée qui était une invitation à les gens à aller acheter des choses pour la période de fin d'année et donc de Noël, qui a été retraduit par certaines personnes le Thanksgiving pour Franklin Roosevelt. Et si on met en parallèle des choses qui peuvent se passer aussi en Amérique du Nord, c'est que certaines communautés amérindiennes eux voient plutôt une chose contestataire là-dedans et un refus de la colonisation américaine et des guerres contre les indigènes. D'ailleurs, depuis les années 70, il y a plusieurs manifestations qui sont organisées en mémoire des Amérindiens. Et pour eux, Thanksgiving est plutôt comme une commémoration pardon, du partage des vivres entre les Premières Nations autochtones et même les colons, quoi. Donc voilà. Et là, il y avait un côté oui, décalé à la consommation de Noël dans cette chanson. Oui. Et voilà. Maintenant, on va enchaîner avec un morceau d'un groupe allemand qui s'appelle Zellrasen, un groupe de rock allemand qui est sorti, un morceau qui s'appelle Foodie Doodie, qui est sorti sur un label, un net label allemand qui s'appelle Headphonica, qui est spécialisé dans la musique en libre diffusion aussi, depuis le début des années 2000, qui est un label vraiment très très actif. Voilà, Zellrasen, Foodie Doodie. All the lampposts turn upside down. Food. the curd house is closed. All night on his way home, mysteriously dropped by a tree. Delight froze with his lips onto the dark line of the zebra crossing, and got precisely cut in half by a truck driver tossing. I can't let go, watch it fly, turn the fate, depend on gravity. De manger un nouveau plat, la carde. La carde, c'est le cardon. C'est pas facile à faire. Moi, j'essaie d'en faire pousser dans mon jardin. Et j'ai essayé d'en cuisiner, mais j'y arrive pas. Mais paraît-il que quand on y arrive, c'est quelque chose de succulent. C'est excellent, Marion les fait très bien, moi j'adore ça. Alors, donc c'était La Carde par le groupe Lado, Lado qui est un trio avec un des membres de Marilyn Rambeau, Marilyn Rambeau qui était venue jouer à Fort Calquier l'année dernière, duo guitare-batterie, et donc là le guitariste fait partie de ce trio. Qui est tout à fait récent, là, qui s'est créé cette année et qui tourne beaucoup là, en ce moment, et moi que je trouve vraiment très, très réussi, j'aime beaucoup. Donc c'était La Carde. Et là, on va écouter un morceau qui s'appelle Some Foods Live in Cans, It's Sad. Donc quelques nourritures vivent dans des boîtes et c'est triste. Un morceau de Nicky Apple. On écoute ça tout de suite. C'était Nicky et Apple, donc un musicien électronique canadien. Some Foods Live in Cans. On enchaîne avec un très court morceau rigolo et étrange d'un groupe qui s'appelle Jim Morrison Mon Cul, qui est un groupe de filles français. Et le morceau s'appelle La Crêpe. nights I might sprout wings, soak these ropes and shoots really spring. I have 3 feet, I can't pick two. Which ones wear my dancing shoes? si mi to nalila do pití, ale trochu to pálí trochu, napad se mi z toho trochu. Slunce svítí, když je sotva půl pátý, ale dráty se dál táhnou z očí kanou na světiště. O kapy se dělí o noc, milujeme první pomoc, a co na to, když se chceme, no vlastně, jak se to veme. Moří vědí, jak to bylo, co bylo, že se dalo, opakuju, že už stačí, ale těch to málo. Koupeme se mou vysůl a vedro je mi všechno vlastně mi všechno je a bude asi jedno to těžší. Mě se vyplatí paní klubu snídaní a kolik bylo písmu, než jsme odvázali zátěž. Netuším, co se mi to nalilo do pití, ale trochu to pálí, trochu napadře mi z toho trochu. Mám ráda předměteli dál, ale znám si přece mrdy. Là, on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Tsukr. Tsukr, ça veut dire sucre en tchèque. C'est un morceau donc, du tchèque Lukáš Grigar. J'ai vu les paroles en tchèque, mais j'ai rien compris. Donc, je ne sais pas du tout de quoi traite le morceau. Mais son titre, c'est Tsukr. Et un bon morceau. Et à Noël, en Tchéquie, on mange la carpe de Noël. Et du coup, il y a des vendeurs de carpes vivantes qui sont dans les rues, les gens les achètent en vie et ils les mettent dans leur baignoire pendant quelques jours pour les manger fraîches le soir de Noël. Et c'est pas très bon, j'ai goûté, c'est pas très bon. Tu causes bien tchèque, mais n'aime pas la nourriture. On a trouvé aussi la chose traditionnelle à Noël en Tchéquie, il y a la vanoka. C'est pas du tout un alcool, malgré la consonance. C'est une petite brioche tressée de Noël, mais qu'on mange au petit déjeuner à 4 heures. Alors, je sais pas dans quel état, mais qui peut être nature ou avec des petits raisins secs. Sachant que les choses de Noël un peu plus traditionnelles d'Europe, avec Père Noël, Hérite, tout ça, est assez nouveau là-bas. Et qu'ils sont plutôt à fêter la Saint-Nicolas début décembre avec des déguisements en Saint-Nicolas, en ange ou en diable, parfois. Et juste avant Lukáš Grigar, on écoutait Shy Kids, qui est un trio de Toronto, un morceau qui s'appelle Rockets, où ils ont fait un super clip qu'on vous invite vraiment à aller voir, qui est fait tout en bonbons, en bonbec, avec une sorte une histoire de fin du monde et des bonbecs qui vont aller s'abriter sous une bulle de bubblegum pour se protéger des bombes. En bonbon. Et un très bon morceau, premier album sorti l'année dernière en 2015, Shy Kids, à suivre. C'est le tube et la découverte de Noël. Ouais, très bien. Donc l'album il s'appelle Lofty, il est évidemment en libre diffusion, vous pouvez le retrouver sur leur page Bandcamp. Et maintenant on va écouter, donc là on vient de faire des sucreries, une petite crêpe, des sucreries, des bonbons, on va manger des fruits quand même. Avec un morceau qui s'appelle donc Les Fruits par Massico qu'on connaît bien par ici puisqu'elles sont venues jouer début septembre à Fort Calquier à la Cimenterie, donc un groupe de Genève, Suisse, un groupe de rock, et un morceau qui s'appelle Les Fruits, donc morceau en français, un fruit entre les dents. Shadow. d'écouter Mama Burger, un groupe de garage mexicain, avec un morceau qui s'appelait Tarta Pop. Et on va enchaîner avec un morceau de Chouchou. Chouchou, qui est un chouchou, un groupe californien, je crois. Oui, c'est ça, de San José, qui est un groupe de rock expérimental post-punk électro. Un morceau qui s'appelle Chocolates Makes You Happy, le chocolat te rend heureux. Et c'est extrait de leur album Dear God, I Hate Myself. Et assez étonnamment, il n'y a qu'un seul morceau de l'album qui est en libre diffusion. Je ne comprends pas bien pourquoi, mais en tout cas, c'est un bon morceau. Et on l'écoute tout de suite. Et maintenant, Champagne par Marco Raphurst. (Musique) C'est la fin de cette émission. Bientôt, vous venez d'entendre Marco Raforst avec Champagne. Oui, c'était la fin de... Un Hollandais, Marco Raforst. Voilà, et c'était Champagne. Et on va terminer cette émission de Comme une oreille. Il reste quelques miettes. Avec quelques miettes, ouais. Les restes du festin, ceux qui vivent des miettes, avec le groupe d'Incise, qui est un groupe genevois sur le label très actif en libre diffusion aussi, Audio Activity de Genève, avec des musiques ambiantes, drum and bass, et tout ce qui peut se faire autour de la musique électronique et ses différentes alliées. C'était d'Incise, Ceux qui vivent des miettes, issu de l'album Les Restes du Festin. Donc c'était les dernières miettes de cette sélection autour de la nourriture, à boire et à manger. Vous écoutiez Comme une oreille en direct de Radio Zinzine. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Zinzine, sur le blog de l'émission Comme une oreille aussi. Donc c'est commeuneoreille.blogspot.fr dès que ce sera mis en ligne. Et on vous retrouve le mois prochain, la nouvelle année, deuxième lundi du mois à 11h, rediffusion le dimanche qui suit à 20h. À bientôt. And the cockroaches could hear, they sat there open mouth, the sample are box of assorted chocolate. Tears. And the cockroaches could hear, they sat there open mouthed. the sample are box of assorted chocolate tea.